Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde et bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et c'est un plaisir cette semaine d'avoir l'ensemble de mes coéquipiers avec moi. On salue en premier lieu Luc Desormeaux qui est dans un manoir Ronald McDonald. Tu sais la folie là, des clowns de ce temps-là, lui, il se fait héberger par eux autres. Salut Luc. Moi, je me mets drette dedans, dans la gueule du loup comme on appelle. Comment ça va? Ça va, papy. Et toi? Ben, ça va très très bien. On a aussi Daniel Carosella qui est avec nous, qui lui, ben, est en direct de son condo, qui a défilé pendant 36 heures pour déconnecter la PSVR. Oui, fait que plus de 36 heures pour la connecter, ben, fait que ça fait un beau 72 heures finalement. Alors, c'est compliqué cette affaire-là, là. oui. Oui, puis ben, on y fera allusion tantôt. Je vous dirai à quel point c'est compliqué. Connecter et déconnecter ça. Et on a Jonathan Turcot qui, lui, il est tout emmêlé dans les fils, mais il trippe, il capote, capote, capote. Salut, Joe. Oui, bonjour. Ouais, moi, je suis d'un fil par-dessus la tête. Une fois que c'est branché, c'est pas si pire. Il y aurait juste 8 fils à peu près qui traînent. Ah ouais. OK, ben on y reviendra. On va parler d'un petit peu de PlayStation VR parce que Jonathan, tu en as acquis un et Daniel, toi, t'as été en mesure de le tester pendant 48 heures grâce aux gens de Sony. Donc, on va y revenir. Oui. Juste avant, Luc, toi, tu voulais nous parler d'une anomalie que tu expérimentes sur Pokémon Go. Puis déjà, c'est assez anormal d'entendre parler de Pokémon Go. Je pensais que c'était mort. Non, mais vous jouez plus, vous autres. Moi, puis Jonathan, on joue encore. On s'est vu justement deux fois cette semaine. Yes, sir. Full Pokémon. Full Pokémon. Je trouve ça vraiment bizarre parce que, je le dis-tu, Jonathan, c'est toi qui travailles là. Mon gars est à l'hôpital parce qu'il s'est fait réopérer. Puis c'est pour ça que je suis au manoir Ronald McDonald. Et puis, dans sa chambre, dans le coin gauche, Mike Tyson, non, c'est pas vrai. Il y a une espèce de champ magnétique. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais mon bonhomme court partout sur la carte. Donc, mon bonhomme parcourt des kilomètres quand le téléphone est déposé sur le lit à mon gars. Donc, fait que t'as mis ton gars dans une autre chambre puis t'as gardé ça pour faire courir ton bonhomme de Pokémon. C'est en plein ça. Non, mais j'ai découvert ça juste comme ça parce qu'à un moment donné, on joue tout. Ça passe le temps dans une chambre d'hôpital. Mon gars joue puis je joue avec lui. Puis à un moment donné, mon téléphone est sur le lit, puis ça marque, tu sais, vous allez trop vite. C'est parce que je peux pas être plus immobile que ça. Je suis dans une chambre d'hôpital, puis ça bouge pas. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, mon bonhomme court partout. Et à ma grande surprise, mon copain ramasse des bonbons, mes œufs éclos. Dans un après-midi, j'ai éclos 2 œufs de 5, 1 œuf de 10, wow. 10 km, et j'ai éclos des œufs de 5 km comme ça en dedans d'une avant-midi parce que mon bonhomme court partout. Donc, tu sais, si vous voulez régler le problème, là, la compagnie Niantic là, pour Pokémon Go, attendez que je sorte de là, ça me fait bien plaisir en attendant. Mais je laisse le téléphone allumé dans le jeu, je branche le téléphone pour que la batterie se décharge, puis je laisse mon bonhomme courir, puis il m'éclos des œufs et tout ça. Là. Un matin, très tôt ce matin, j'ai mis un œuf de 5 puis un œuf de 10, à peu près en même temps. Mon œuf de 5 a déjà éclos et mon œuf de 10 est à moitié. Wow! Et j'ai pas sorti de la chambre. Il y a un Vortex Pokémon. Ouais, non, c'est ça. JB, il va falloir faire un show là-dessus. Oui, les anomalies de Pokémon Go. Ouais, fait plus, comme Jonathan disait, il y a probablement un fantôme. C'est qui disait ça? Il y a probablement un fantôme Pokémon dans Chambre à mon gars. C'est moi. Mais c'est ça. C'est vraiment stupéfiant. Là. C'est assez spécial. Puis tout le monde est jaloux parce que ça arrive juste sur mon téléphone. Ouais, c'est ça. Là, depuis que Luc était Il est à l'hôpital. Moi, le matin, j'arrive, je vais y déposer mon téléphone, je m'en vais travailler, je reprends mon téléphone à 4 heures. C'est ça. Puis il éclos 5 œufs de 10. C'est l'enfant le plus populaire de l'hôpital, mais c'est vraiment pas parce qu'il est connu, c'est parce que c'est le spot à Pokémon Go. Là. C'est ça. Mais c'est vraiment spécial parce que ma conjointe a un iPhone puis ça marche pas sur son téléphone. Ça marche sur mon Android, ça marche sur la tablette Android à mon gars, puis ça marche. Ma belle-mère est venue faire un tour, elle a un téléphone Android aussi, puis ça marche sur le sien, mais ça donc, marche ça pas sur les iPhones. Donc, c'est la preuve qu'Android, c'est de loin meilleur, ou c'est plus buggé, mais positif? Ben, c'est la preuve que le GPS du iPhone est beaucoup plus solide, mais c'est un bug que ça me dérange pas du tout. Non, c'est ça. On vit très bien. De profiter d'eux en attendant. Ouais. Puis à Montréal, on ramasse des œufs de 10, puis j'ai eu un Loclass. C'est merveilleux. Wow! Oh, non, mais tu sais, JB, tu disais tantôt, tu étais surpris, mais Niantic fait encore 2 millions par jour hein, de revenus avec Pokémon. Mais il faisait combien quand c'est sorti? C'est la différence, beaucoup. Là? Non, il faisait beaucoup. Il faisait beaucoup, mais ça reste que 2 millions par jour. C'est un des jeux encore les plus payants présentement. Là. Fait que, ben, nous de notre côté, là. On n'a jamais arrêté. Là. Nous, de notre côté, avec mon gars, on est moins intense. Là. On va pas dans des spots comme on faisait cet été. C'est moins beau. J'ai mon téléphone à côté. Là. Mais quand on se promène en voiture, nous autres, c'est encore ça. Au travail, le midi, on regarde s'il y a des Pokémon, si quelqu'un a mis un leurre. Le monde, en tout cas, nous, dans mon entourage, ça joue encore. Ça décroche bon, un peu. Bon, ben écoute, je viens de comprendre. Quoi? Ouais. Je viens de comprendre quoi? Je viens de comprendre. Je joue pas parce qu'il est désinstallé. Ben oui, toi. Ah ben. Ça pourrait expliquer plein de choses. Hein? C'est la logique des applications. Puis ouais. Si tu désinstalles l'application, ça joue mal. Puis si tu mets pas de gaz dans ton char, ça avance pas. Ah ouais. Mais bon. Ouais, bon, je veux que tu veux. Joe, Dan, faites-nous espérer d'envier d'avoir une PSVR parce que ça a l'air que c'est super cool. Puis il n'y a personne qui a compris, dont moi, qui ne cessait de dire à Jonathan c'est mal. N'encourage pas PSVR, c'est mal. Puis finalement, il est tombé quand même dans l'enfer de la réalité virtuelle. Ouais, mais Jonathan, c'est une brebis, je te l'ai dit. Je l'ai dit l'autre jour avec son iPhone 7 là, qui est allé s'acheter la journée de la sortie. Jonathan est une brebis. Non, mais je vais laisser Dan en parler. Il l'a essayé au début, puis après ça, je vous donnerai mes impressions. À moins que tu veux que je commence. Là, mais... là, on fait vraiment nos impressions parce qu'on s'est dit qu'on allait. Non, un rapido, une minute 30 secondes. Ben, en fait, ce que j'ai remarqué quand j'ai eu le casque, puis je ne l'ai vraiment pas eu longtemps, là, je l'ai juste eu sur une période de 48 heures, c'est à quel point c'est compliqué brancher ça. Donc, attendez. Je vais vous illustrer ça en mots. Là. C'est que dans le fond, le casque, le PSVR, a son propre petit processeur. Donc, tu dois brancher le processeur après une prise murale. Et de là, tu dois prendre le câble HDMI qui allait dans ta PS4 pour le brancher là-dessus. Et là, tu dois aussi le brancher à travers ta PS4, donc un autre fil, pour finalement que ça fonctionne, que tu puisses voir quelque chose. Et ensuite de ça, là, il faut c'est que IKEA tu branches... C'est IKEA qui fournit le livret d'instruction pour brancher ça, hein? Il est gros, le livre, en plus. Oui, il est assez gros quand même, là, mais en tout cas, c'est compliqué, parce que... Puis là, t'as deux autres fils aussi à brancher, by the way. C'est pas facile, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça non plus, là, mais c'est juste que vous allez avoir un beau gros tas de fils qui va traîner par terre. D'ailleurs, mon chat a été particulièrement heureux de voir cet amalgame de fils traîner sur le sol. Mais pour de vrai, tu sais, moi, il est tout branché, là, j'ai tout serré, puis sans farce, à la fin... T'as juste comme deux fils, un gros fil qui est comme divisé en deux, mais collé, qui part du petit bidule jusqu'à ton casque. Tu sais, le reste, moi, les fils, peut-être que toi, vu que tu l'essayais, puis tu sais, tu l'as pas mis dans ton setup de ton meuble, tout comme du monde, mais moi, il y a genre juste deux fils là, qui sortent. Fait que le casque, quand je l'utilise pas, je le sers dans sa boîte d'origine à côté, puis j'ai pas de fil qui traîne. Quand je prends le casque, il y a deux fils qui sortent. Mais. Tu sais, quand je l'ai essayé, j'étais comme, OK, tu sais, c'est pas un plug and play, là, hein, c'est plug, mauvaise plug, replug, plug, and plug encore, and play. C'est un plug and pray, finalement. Oui, tout à fait. C'est bon. Tout à fait. Là, on fait quoi avec ça, là? Ah. Tu dur, ben, sûrement, quand t'as le casque à la tête. Moi, je trouve ça malade. Moi, là, j'avais essayé juste un peu un Oculus sur un truc à l'hôpital Sainte-Justine où est-ce qu'il y avait un logiciel de comment faire attention dans une maison, etc. Puis il y avait un jeu, ça m'avait donné mal au cœur. J'avais pas trippé. Mais là, j'ai zéro mal de cœur. Je capote. J'adore ça. J'ai deux jeux, Batman Until Dawn. On en parlera à un moment donné. Là, qui sont excellents. Il y a plein de choses sur le PS Store, des films, des jeux point and click, des démos. Et moi, j'ai passé des heures et des heures à jouer avec ça. Ma blonde, elle l'a mis, elle a capoté. Elle a écouté le film Allumette, qui est gratuit, qui est un petit film d'animation aussi. Elle a capoté. Même si c'est 12 ans et plus, je l'ai fait essayer à mon gars. Il est tout capoté depuis ce temps-là, là. Appelé à DPJ. Ouais, ben, dans le fond, ils mettent 12 ans, puis je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est clair qu'il n'y a pas d'études, t'sais. C'est nouveau. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais le casque est un petit peu grand pour lui, mais une fois ajusté, lui, il a trippé. Là, il a joué il a des démos de jeu. Ben, pas des démos, là, c'est des petits jeux à la Mario Bros. T'es comme dans le tableau, puis tu contrôles ton bonhomme, mais c'est comme si t'étais au-dessus. Lui, il capotait. Là, il a joué même à Drive Club. Il a bien aimé ça. Donc, ben, tu sais, je le ferais pas essayer beaucoup à mon gars parce que là, je vais essayer de lire pour qu'est-ce que ça peut faire. Là. Mais à date, lui, il a 7 ans puis il a vraiment aimé ça. Là. Puis ce que j'aime aussi, c'est. Puis le monde n'en parle pas beaucoup. Premièrement, le PSVR, tu peux le brancher partout. Là. Si tu veux jouer au Xbox avec le PSVR, tu peux. Si tu veux jouer à la Wii U, ouais, ça devient un écran portatif sous forme de lunettes. Ça devient un écran portatif. Puis dans le VR, tu peux mettre un écran de cinéma, mais vraiment grandeur cinéma. Là. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne parlent pas. Puis j'ai écouté l'introduction, je me suis mis un Blu-ray, j'ai écouté l'introduction du film Mission Impossible. Là. C'est comme si tu étais au cinéma. Tu es un peu plus proche de ton écran. C'est comme si tu es à peu près genre dans peut-être 20 premières rangées du cinéma, mais tu as un écran géant. Là. C'est malade, c'est malade. Ma blonde, je l'ai fait essayer aussi, elle a capoté. Elle a fait « OK, on est au cinéma, assis à côté. » Ouais. Ça veut dire on écoute un film, quelqu'un pourrait mettre le casque, les autres l'écoutent sur la télé, toi, l'autre, il l'écoute sur un écran de cinéma de je sais pas combien de pouces. Là. Mais... t'as pas de problème avec le fait de te séparer du restant de ta famille le temps d'écouter un film? Non, ma famille, je l'apprécie pas tellement. Donc... meilleure réponse ever. De pouvoir me déconnecter, me mettre des écouteurs puis pas les voir. Ben, ça serait parfait. C'était le but de l'achat, de toute façon. C'était pour se déconnecter de sa famille. T'sais. Exactement. Ça coûte quand même moins cher qu'un divorce. Ouais, quand oui, même. En tout cas, j'en parlerai peut-être plus tard. On fera une petite émission spéciale. Mais moi, là, je suis conquis d'un bout à l'autre. OK. Question de même. T'as-tu montré la facture du bidule en PSVR à ta blonde? Puis elle a rien dit? Ou... elle l'a pas vu. Non, elle a dit... c'est pas dans le compte conjoint que je l'ai pris. Fait que, c'est tes bidules, c'est tes affaires. Mais vraiment, pour de vrai, là, c'est... il y a des jeux qui s'en viennent excellents. Là. Resident Evil, il y a des jeux, il y a un jeu de Ubisoft, que tu es un aigle, que tu survoles. Eagle Flight. Hein? Ouais, c'est ça. Eagle Flight. Le jeu de Crytek aussi, là, Robinson, qui a l'air écœurant. Il y a un shooter qui s'en vient. Donc, le potentiel de ça, là, c'est fou. Vraiment, là. Juste jouer à un Mario, mais être dans le jeu, c'est malade, là. Mais là, la vraie question, Jonathan, c'est la dialyse, ça va-tu bien depuis que t'as vendu un rein pour pouvoir acquérir ça? Pas si pire. Pas si pire. Là, je m'en vais rentrer dans la chambre dans l'hôpital à côté de celle du gars à Luc. Fait qu'on joue Pokémon. Il va avancer ses heures, un autre point positif. Yeah! Et voilà. Ouais. Mais juste vous dire, quand j'avais les moves d'un main avec la casse, à un moment donné, tu sais, on s'entend, j'étais dans Until Dawn, puis sérieusement, j'ai un peu crié, tu sais, parce que ça fait peur, ce jeu-là. Ah ouais. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ma blonde était dans le cadre de la porte, puis qu'elle riait. Puis là, j'ai comme ôté mes écouteurs, puis fait que c'est qu'il y a. Elle dit parce que t'as vraiment l'air d'un gros sapin de Noël qui bouge quand tu joues à ça. Fait que, bon, vous allez. Moi, je trouve que c'est pas fin pour les sapins de Noël. Ouais, vraiment. C'est ben chien, non plus. Ouais, c'est ça, j'ai fait franchement, là, tu pourras avoir un peu de respect pour nos sapins. Mais, J'aimerais ça voir une personne, tu sais, qui achète ça, mis à part le prix, là, parce que la nouvelle technologie, c'est cher, si on le sait, bon, mais qui achète ça puis qui est vraiment déçu. J'aimerais ça comprendre ses arguments. Là. Je peux croire qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, mais encore une fois, c'est la nouvelle technologie, c'est nouveau, il va en avoir. Tu sais. mais qui essaye ça puis fait comme c'est plate, je peux pas concevoir là. À part si t'as mal au cœur, mais moi, qu'on est trois à l'avoir essayé, il y a eu zéro mal de cœur. Mais quelqu'un qui trouverait ça plate, ça me prendrait des bons arguments parce que. Mais écoute, on est en train de s'organiser que j'aille chez vous là, pour essayer ça. Ouais. Venez. Quand tu veux. OK. Mais, plate, non, mais j'ai eu des désagréments. Là. C'est demandant quand même au niveau des yeux. Je sentais mes yeux forcés. Puis il y a une autre affaire aussi. Mettons dans Until Dawn ou quand il fait chaud, là. À l'entour, soit l'été ou whatever, j'ai remarqué qu'il peut y avoir de la buée qui monte, ce qui est particulièrement désagréable quand tu portes des lunettes. Ouais, c'est ouais, ça, toi, ça. C'est deux affaires qui sont reliées au fait que tu as des yeux de marde, là. Merci, JB. Oui, je le sais que j'ai des yeux de marde, que je vois comme de la marde. Fait que, mais juste pour dire, ceux qui portent des lunettes, vous pouvez porter vos lunettes. Là. C'est un casque qui est super confortable et qui s'ajuste très, très bien, là, peu importe si vous avez des lunettes ou non. Mais quand vous avez des lunettes et qu'il fait chaud, ben ça se peut que vous ayez un petit peu de buée. Là. Personnellement, quand il a fait chaud la semaine dernière, une journée. Puis quand j'ai ôté le casque, ben on aurait dit que je venais de courir longtemps. Ouais, moi aussi ça m'arrive. Les lentilles viennent, mais j'ai trouvé, plus tu joues avec, plus tu trouves une façon d'ajuster ton casque pour laisser des petites aérations si tu veux, puis que ça fait en sorte que ça embue vraiment beaucoup moins là, ou pratiquement plus. Là, mais ouais, ça c'est un petit défaut, là, il faut juste ajuster. Dieu, il est rendu un spécialiste. Juste à percer deux, trois petits trous à drill. Ouais, non, c'est ça. Là, tu fais super bien. Désinfecter votre casque parce que. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Dernière affaire avant, c'est pas retournable ni échangeable, sauf s'il est brisé. Fait que faites attention. Ils vont vous avertir, là, mais si le gars, moi, il a fallu. Être sûr que le monde garde ton produit. Non, mais c'est ça. Ils disent, ah, ben, c'est pour l'hygiène. Tu sais, je veux dire, je suis capable de retourner un T-shirt que j'ai acheté chez Walmart ou n'importe où d'autre, mais le casque, j'aurais peut-être sué, genre, dans le front. Je peux pas le retourner. Bon, laissez faire la côté d'hygiène. Ta soeur de France, c'est pas la même affaire que ta soeur de dessous de bras. Là. C'est vraiment non, mais tu sais, c'est vrai, pour de vrai. T'sais, moi, quand il me dit ça, hygiène, je fais, ben voyons donc. Là. Tu te désinfectes avec une lingette, puis il n'y a plus de. Mais c'est ni échangeable, ni retournable. Fait qu'il y en a déjà sur Kijiji qui vendent ça 600$ parce que le monde l'a essayé. En fait, j'ai mal au cœur. Belle crosse. belle crosse. Bon, changeons de sujet. Allons-y avec Gears of War. Luc et Daniel, vous avez eu l'occasion de jouer à ça, puis Joe, un petit peu. Fait que je veux savoir ce que vous en pensez. J'ai joué autant à Gears of War que Dan a joué à PS. Il y a des bonnes chances. Ça a peut-être pris le même temps pour installer le jeu que ça a pris de temps pour le Gayfield aussi. Là, mais, ouais, Gears of War 4, un jeu que j'attendais quand même pas si pire. J'avais été vraiment comme déçu par Gears of War Judgment, là, qui était comme un prétexte à sortir un jeu pour faire une petite pause de cash, là, parce que c'était vraiment pas super bon, puis on se reprend dans Gears of War 4. Premièrement, Dan, tu vas pas mettre d'accord avec moi en disant que les graphismes sont assez magnifiques. Là. L'histoire aussi, mais sauf là, au lieu de jouer le Marcus Phoenix, on joue son garçon, c'est 25, ça se passe 25 ans après la fin, donc après Gears of War 3. Marcus est pas mort, il existe toujours, c'est juste qu'il est devenu un vieux grincheux. Puis on commence vraiment la mission, on va jouer des missions qui se passent pendant les autres Gears of War. C'est-à-dire, on va revivre un peu l'arrivée des Locusts, puis le combat contre les Locusts, puis la victoire contre les Locusts et tout ça. Donc, de ce côté-là, ça ressemble un peu à ce que Judgment était, où ce qu'on revivait des batailles dans des jeux là, qui étaient comme en parallèle de ce qu'on n'a pas vu pendant les trois premiers jeux. Fait qu'on commence un peu avec ça. Donc, c'est sanglant, c'est juteux, c'est vraiment du Gears of War à son meilleur. Et puis après ça, on tombe dans la nouvelle partie. La CGU est devenue comme un gouvernement assez totalitaire ou assez sont vraiment stricts, essayent de garder le monde vraiment droit, puis un petit peu trop protecteur, puis fait que c'est vraiment comme devenu une dictature plus que d'autres choses. L'armée, c'est des robots. C'est vraiment tout mécanique et on est vraiment dans un futur plus poussé et plus technologique qu'on l'était dans Gears of War. Fait que les premiers combats, ce qui m'a un peu, sur le coup, ça dit, ah, OK, ils ont changé un peu de... Je l'avais dit sur Facebook quand on a commencé à en parler, Dan, c'est comme, ah, ça, on dirait qu'on est allé vers... On veut aller attirer un public un peu plus jeune, on veut faire jouer les gens plus jeunes, donc si on met pas de sang, mais on met de l'huile, à la place, puis s'agit de l'huile, on va pouvoir aller chercher un public peut-être un peu plus jeune. Les parents vont les laisser trucider des robots, mais ils ne laisseront pas trucider des locusts parce que ça s'agit du sang. Fait que les premières missions, c'est tout toi et ton équipe parce que tu es toujours comme 4 ou plus pour faire tes missions. Fait que tu n'es jamais tout seul. Puis ce qui est le fun, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas niaiseuse. Ils vont vraiment tuer des ennemis, te débarrasser d'ennemis. Puis des fois, il va rester un ennemi sur la carte. Et puis, c'est pas toi qui vas le tuer, c'est un de tes collègues débarrassés. Fait que c'est quand même, tu sais, t'es pas tout seul. Ils sont vraiment pas là, juste comme par eux, comme un peu dans Halo Reach, là, où ils étaient cave comme des poignées de porte. Puis toi, t'étais en train de trucider tous les ennemis sur la map. Puis eux autres, ils attendaient que le livreur de pizza arrive à l'autre bout. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment un peu cave. Là. Mais ça, c'est vraiment son intelligent. Fait que les premières missions, c'est tout. On se bat contre des robots, il en arrive une. T'es rendu, Dan, dans le jeu? T'es-tu rendu assez loin? T'as-tu fini? Non, je l'ai pas fini. Par contre, c'est sûr que... oui, c'est vrai, les premières missions, bon, c'est des robots, puis tout, puis ça devient un peu redondant. C'est pas la partie que j'ai le plus préférée. Par contre, à un moment donné, ça devient très sanglant. Donc, c'est... Autant, oui, peut-être qu'on veut aller chercher un public plus large, mais attendez-vous à des passes quand même où il y a beaucoup d'hémoglobine, c'est assez même dégueulasse. Il y a un moment donné dans la campagne, ça vire un peu au jeu d'horreur, là, parce qu'il y a beaucoup de fluides de tout genre. Ouais. Donc... C'est pas juste des ennemis robotiques, là. C'est pas genre la guerre contre les Terminators. Non, juste au début. Ouais, c'est ça. C'est au début. Puis c'est. Moi, j'ai trouvé que c'était la partie un petit peu moins intéressante au niveau de la campagne. Ce que je disais aussi dans ma critique, c'est que au niveau de Gears of War 4, c'est pas une grande évolution de la franchise. C'est très, très redondant à un moment donné. C'est comme c'est du pareil au même, c'est juste qu'on a changé les personnages principaux. Ouais, ben c'est ça. Ben, j'ai aimé les nouveaux personnages. Puis tu sais, c'est toujours un risque de dire, bon, on repart pas la franchise, mais on met en place des nouveaux personnages pour voir si on peut avoir une nouvelle ère d'une série qui a connu beaucoup de succès. Puis c'est toujours un risque d'inclure des nouveaux personnages quand on est habitué aux personnages d'avant. Mais moi, j'ai aimé je vais le dire en anglais, le cast. Donc, les personnages qui ont été mis de l'avant dans Gears of War 4 sont un peu moins caricaturaux, je dirais. Parce que dans les précédents Gears of War, c'était des montagnes de muscles avec la grosse voix de gros macho. Ouais. C'était très caricatural au niveau du gros soldat, là, badass, l'espèce de one-man army. Tandis que dans Gears of War 4, il y a des personnages un petit peu plus variés. Il y a notamment une fille dans votre escouade, puis cette fille-là, ben, je veux dire, c'est pas une pitoune ou c'est pas une montagne de muscles qui pourrait faire croire que c'est un homme déguisé. Ça, j'ai aimé ça. GD Phoenix, c'est pour moi un personnage qui fonctionne très bien. C'est un personnage un peu baveux, qui respecte pas l'autorité, ce que d'ailleurs son père va pas y manquer de lui dire, mais c'est un personnage sur lequel tu peux bâtir un scénario, tu peux bâtir le futur de la série. Il y a des moments quand même assez intenses aussi au niveau de l'histoire. Marcus va avoir de la misère, je vous le dis. Là. Fait que c'est pas un walk in the park. Non, vraiment pas. Mais c'est une histoire que j'ai trouvée intéressante puis qui promet pour le futur de la franchise Gears of War. Ceci étant dit, ça demeure du Gears of War avec les mécaniques qu'on a connues. C'est des mécaniques qui sont, pour moi, lourdes. T'sais. C'est des mouvements qui sont lourds. Ce que je disais aussi dans ma critique écrite, c'est que selon moi, depuis le début de la franchise Gears of War, dans les jeux où le système de couverture est très, très mis de l'avant, on a fait mieux que Gears of War. Ouais. Et là, je prenais l'exemple de The Division. Qui était tellement bien là-dessus, là. Ben, c'est ça, tu sais. Je pense qu'il y a des jeux qui ont mieux fait et dans Gears of War 4, on s'est pas mal contenté de ramener ce qui se faisait dans les autres Gears of War. Est-ce que c'est pour pas dénaturer la franchise? Est-ce que c'est pour pas déstabiliser aussi les vétérans de la série? Ça se peut, mais pour moi, la mécanique de couverture est un peu passée de date. Selon moi, on aurait besoin d'une petite mise à jour par rapport à ça, parce que c'est des mouvements qui demeurent très lourds, puis c'est une mécanique de couverture qui fonctionne, oui, qui fonctionne bien, mais qui a tendance un peu à alourdir là, l'expérience aussi. On aurait pu améliorer, on aurait pu, comme on dit, tweaker ça un petit peu, parce que c'est facile de te cacher, mais sortir de ta cachette, c'est un peu moins facile. Ouais. Tu peux pas juste comme te décoller puis te tasser, il faut vraiment comme tu repèses A ou tu sais, faut que tu te penches pour sauter par-dessus puis mais ça c'est un peu fatigant, mais le reste de la mécanique est quand même pas si pire, mais tu sais même courir quand tu fais courir tes personnages rapidement, tu as l'impression qu'ils sont pesants là, qu'ils ont de la misère à courir, ça a toujours été puis ça a pas changé. Pour ça, par contre, ce que j'ai aimé, c'est la transition entre les scènes d'action puis les cinématiques. C'est vraiment bien intégré, comme tu vas avoir un personnage qui va, mettons, ils vont te mettre une cinématique où tu vas te sauver de méchants, puis là, tu vas en tuer tout plein, puis là, tu vas finir comme dans une roulade où tu vas finir à quelque part, puis ils vont te remettre en jeu, puis tu sors de ta roulade, puis t'es placé comme pour continuer à jouer, tu sais, ou des choses comme ça, là. Fait que comme ça, l'intégration cinématique-gameplay est vraiment bien faite. Ça, j'ai trouvé que c'était bien intégré. Puis, faut pas non plus se leurrer. Gears of War 4, ça demeure Gears of War. Donc, c'est des couloirs d'ennemis. Je veux dire, tu tues une vague d'ennemis, tu passes au prochain couloir. C'est des environnements qui sont très, très linéaires. Il n'y a pas tant d'exploration à faire. Il y a des objets à collectionner, mais des objets qui ne servent absolument à rien. Non, je n'ai même pas pris le temps d'aller voir ce que ça disait quand tu en ramasses un. Fait que tu ramasses pour ramasser. Là, mais... Oui, tu ramasses pour ramasser. Là. Ça apporte absolument rien. T'sais. Mettons, dans le premier Gears of War, il y avait des médailles de soldats tombés au combat que tu pouvais ramasser, ça, je trouvais ça quand même intéressant, mais dans Gears of War 4, là, c'est vraiment inutile là, ce que tu as ramassé. Je pense qu'on a inclus ça pour dire, bon, OK, on fera pas juste tuer des ennemis, là, on va inclure des objets à ramasser, mais ça sert vraiment à rien. Mais il y a des affaires le fun aussi, parce que dans Gears of War, tu as toujours eu, c'est toujours la même mécanique. Hein. Comme tu dis, tu as plein d'ennemis, tu tues tout, puis après ça, tu as l'espèce de petite note musicale là, qui dit... ta vague est finie, puis là, si tu veux explorer, tu peux explorer, tu ne feras pas attaquer parce qu'il ne t'arrivera pas un ennemi caché à quelque part qui va t'attaquer. On a changé ça dans Gears of War 4, par exemple, parce que tu as des scènes, à un moment donné, quand ils te présentent là, les espèces de zombies, c'est pas des zombies, des infectés, non, c'est vrai, c'est pas des infectés, en tout cas, des bébites. parce que la plupart des jeux disent, non, c'est pas des zombies, c'est des infectés. Ouais, c'est là-dedans, c'est des humains qui se font enlever puis se font comme transformer en bonhomme qui attaque, puis il court super vite, mais une balle, puis il éclabousse en morceaux. Mais, tu sais, il y en a tout plein, il y en a vraiment une tonne, puis à un moment donné, tu as une vague, puis là, c'est comme, t'es-tu tout, puis là, tu as l'espèce de son, bon, c'est fini, puis là, tu vires un coin, puis il t'en sort comme 8 autres, puis là, t'en cours le son, puis il dit, bon, là, c'est vraiment fini. Fait que c'est comme, t'as des surprises des fois, c'est pas parce qu'ils te mettent le son de la fin de la vague que t'en auras pas un autre vague que tu t'attendais pas à avoir au bout. T'sais, c'est pas aussi timé que dans les autres jeux où ce que bon là, pour avoir d'autres ennemis, il fallait que tu passes une prochaine porte. Il fallait que tu passes dans un autre niveau qui est pas vraiment un niveau. C'était comme une place dans la map. Puis là, il t'arrivait une tonne d'ennemis. Des fois, tu as une tonne d'ennemis entre les maps différentes, les espaces d'un map. Fait que c'est quand même bien fait. Je pense qu'ils ont fait un bon jeu, mais c'est sûr, certains. Si tu n'as jamais joué à Gears of War, tu vas trouver ça peut-être nouveau et rafraîchissant. Si tu as joué aux autres, tu ne seras pas perdu. Il n'y a rien de nouveau. Fait que c'est un peu ce qui m'a déçu. T'sais. C'est encore des locustes, mais un peu différents. On aurait pu y aller avec, je sais pas, moi, des extraterrestres ou quelque chose de. Une attaque d'un autre type, pas encore des locustes, me semble. Mais tu sais, c'est un bon jeu d'action. Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'action. Ça demeure du Gears qu'on a connu. Il y a des nouvelles armes. Il y a quand même une belle variété d'armes. Là. Ma préférée, c'est l'Overkill. C'est un espèce de gros shotgun là, que genre, personne dans la vraie vie serait capable de transporter. Là. Mais. Puis, on s'entend sur une affaire. Dans Gears of War, les ennemis, ils en mangent des balles. Ah oui. Oh, oui. Mais certains, comme les petits zombies, ça ne les en prend pas trop, mais quand tu commences à pogner les gros méchants avec leur fusil, eux autres, là, c'est comme tu vas vider un chargeur pour en tuer un des fois. Là. Oh oui, facilement. Puis toujours la même mécanique au niveau de la recharge, c'est-à-dire, bon, quand tu pèses le bouton pour recharger ton arme, ben si tu arrives à repaiser sur le bouton dans l'espèce de fenêtre, en tout cas, c'est comme une petite bande blanche, ouais. Tu peux faire plus de dommages ou tu vas recharger plus rapidement, tandis que si tu pèses trop tard, ben ton arme va s'enrayer momentanément, ce qui peut être un peu problématique. Très difficile de mourir, by the way, dans ce jeu-là, dans le sens que même si tu tombes, tu vas comme avoir un certain laps de temps où un de tes coéquipiers va pouvoir te faire vivre, puis généralement, ben ça marche, là, dans le sens que un coéquipier va souvent pouvoir venir t'apporter secours. Sauf la passe où il y a un peu spoiler, là, mais en tout cas, ça change rien dans l'histoire du jeu. Mais t'as une bébite, à un moment donné, la bébite qui ramasse Marcus puis qui la met comme dans sa bédaine, puis qui l'amène ailleurs. Ben, c'est drôle parce que la bébite pogne Marcus, elle l'amène, puis toi, tu le trouves comme 3 heures plus tard parce que tu le cherches en trouvant en te battant contre des vagues d'ennemis. Mais si ton coéquipier se fait prendre par la même bébite, puis la bébite a le malheur de grimper un mur puis s'éloigner un petit peu, ton coéquipier est mort tout de suite. Ça m'a tapé un peu ses nerfs parce que c'est pas. Tu montes une affaire d'un bord puis tu me montes une autre affaire de l'autre bord. C'est que Marcus peut survivre pendant vraiment une couple d'heures dans cette bébite-là qui la transfère dans un cocon, mais ton coéquipier meurt tout de suite si tu ne réussis pas à le sauver dans la seconde qui suit. Mais j'imagine que c'est juste parce qu'on n'a pas voulu. Parce que si tu rouvres la porte à sauver ton copain dans un cocon plus loin, mais là, faut que tu rouvres tout comme une mission secondaire qui va, bon, ben là, faut t'aille sauver ton copain parce que tu peux pas finir la mission sans lui, tu sais. Mais j'ai juste trouvé ça un peu fatigant d'avoir comme deux poids, deux mesures dans ce cas-là. Mais, ouais, non, t'as raison. Puis toi, tu peux mourir, puis si un de tes trois autres collègues qui sont avec toi, ou quatre quand t'as Marcus avec toi, meurt, ta mission est échouée aussi. Fait que tu peux pas, aussitôt que quelqu'un meurt, que ce soit toi ou un de tes amis, faut que tu recommences la mission. Ouais. Fait que. Il y a aussi une autre affaire dans la campagne solo que j'ai trouvé un petit peu moins bien intégrée, mais ça arrive pas souvent. C'est qu'il y a des éléments de Tower Defense. Donc, dans le fond, c'est que tu peux... Il y a un nouvel objet dans le jeu qui s'appelle le Fabricator. Puis le Fabricator, ben c'est que en utilisant de l'énergie que tu peux récolter, tu peux fabriquer des armes des moyens de défense. Puis, notamment dans une des missions au début de jeu, tu peux placer des défenses pour affronter des vagues d'ennemis. Mais en solo, ça s'intègre pas si bien que ça, au point où à un moment donné, tu t'en fous juste là, des moyens de défense, puis c'est comme, bon, ben je vais jouer à Gears comme j'ai toujours joué, puis je vais affronter moi-même les vagues d'ennemis. Mais ça fonctionne bien en multijoueur. Parce que le multijoueur, c'est évidemment une partie intégrale de n'importe quel Gears of War. Dans Gears of War 4, j'ai trouvé ça très, très intéressant, particulièrement le mode Horde 3.0. Le mode Horde, ça a toujours été un point d'intérêt dans la franchise Gears of War. Dans Gears of War 4, tu peux affronter jusqu'à 50 vagues d'ennemis. Des ennemis qui deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus gros. Éventuellement, il y a même des boss qui s'intègrent dans les vagues d'ennemis. Dans le fond, c'est toi avec tes amis, puis bon, vous affrontez les vagues d'ennemis. Mais en utilisant le Fabricator, tu peux placer des moyens de défense pour t'aider, puis ça devient très, très, très utile. Il y a des classes aussi à choisir entre les personnages. Autant, si tout le monde veut être un soldat, vous risquez de pas tant bien vous sortir d'affaires que ça. Il faut quand même avoir une certaine balance entre les joueurs là, au niveau des classes. Mais c'est, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les classes dans une équipe pour remporter la partie. C'est juste que moi, personnellement, je vous recommande d'avoir un ingénieur moins efficace au niveau du combat, mais peut notamment réparer le Fabricator, puis aussi rapporter plus d'énergie au Fabricator, ce qui va te permettre d'avoir plus d'options au niveau des armes à fabriquer, puis aussi des moyens de défense. Dans le fond, le Fabricator, là, c'est un moyen stratégique qu'on a intégré dans Gears of War 4, puis c'est un peu l'équivalent d'une imprimante 3D. Ouais, puis c'est un peu aussi une raison de te faire faire une mission que tu n'aurais pas eu à faire si le Fabricator n'avait pas été dans le jeu. Parce qu'on t'envoie le chercher dans le fond d'une mine à un moment donné, tu sais. Puis tu ressors, puis là, faut que tu le traînes avec ton ami parce qu'il est super pesant. Puis, mais c'est comme toi, dans le mode solo, c'est comme, à un moment donné, OK, fait que là, faut que tu ramasses de l'énergie pour fabriquer des affaires. Tu peux modifier tes armes. J'ai modifié mes armes. J'ai pas vu vraiment de grosse différence dans le trucidage d'ennemis avec une arme améliorée. Tu peux faire des défenses, tu peux faire comme des barrières. Mais là, tu peux pas les mettre partout parce que tu as des places que tu ne peux pas les mettre. Tu ne peux pas descendre un escalier avec pour aller les mettre à une place qui serait beaucoup plus stratégiquement brillant de le mettre. Tu mets des tourelles, ils se font détruire en 2 secondes par les ennemis parce qu'aussitôt que les ennemis voient les tourelles, c'est ça qui attaque tout de suite en partant puis au lieu de toi. Fait que tu es comme, OK, ben j'ai mis ça. La vague arrive, les 3 premiers ennemis arrivent, ils attaquent tes tourelles sont finies. Tu en aurais mis, tu n'en aurais pas mis. Ça n'aurait rien changé. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu as dit, je veux pas. On m'a laissé faire, je perds du temps. Fait que, ouais, il amène la vague d'ennemis, on est 4, puis c'est dur de mourir. Il m'a passé à travers la vague sans avoir à me casser la tête à OK, je fais quel genre de tourelle, je mets ça où, puis perdre du temps, puis c'est tout. Garde, amène les ennemis, on va être trucidés, puis on va jouer à bonne vieille manière. Mais j'ai trouvé que c'était un peu. C'est une affaire, oui, OK, ça a été rajouté, ça sert-tu à quelque chose? Bon, pas du tout. Non, puis c'est ça. Pour le reste des modes multijoueurs, ben vous avez des modes classiques comme Team Deathmatch, King of the Hill. C'est des modes qui fonctionnent très, très, très, très bien. Dans le mode Warzone, ce qui est intéressant, c'est que tu as juste une vie. Dans le fond, tu as des rondes. Je pense que tu en as jusqu'à 8, là, si je me trompe pas. Fait que c'est 2 équipes qui s'affrontent, mais tu as juste une vie. Fait que ça ajoute un élément de stress qui est quand même intéressant. C'est très violent. Puis c'est très, très, très efficace. Là. Donc, les modes multijoueurs intégrés dans Gears of War 4 sont très sont fonctionnels, sont aussi plaisants que dans le passé. Donc, selon moi, la campagne solo qui dure pas une éternité non plus là, ben est bien complémentée par toutes les modes multijoueurs. Mais attendez-vous à toute une compétition en multijoueur. C'est ça, ben, j'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai pas joué beaucoup. Mais t'es qui, j'ai joué mais j'ai joué au multijoueur par contre. C'est le gars qui a une PSVR. Ouais, c'est le gars avec un casque d'en face là. Non, mais j'ai joué au multijoueur par contre, puis il y a quelque chose que j'aime vraiment pas, c'est que tu vois pas le nom de tes coéquipiers, sauf si tu payes sur le radar. Ouais. Mais ça, c'est vraiment désagréable. Fait que là, tu sais, on jouait, puis là, les ennemis, puis les alliés se ressemblent quand même beaucoup. Tu sais, tout est gris, tout est sombre, puis tu sais pas qui est à côté de toi. T'sais, j'aidais mon ami, puis il savait pas. Puis le moment, il fait hey, en tout cas, le gars là, qui m'a relevé, tout ça, ouais, mais c'était moi. Ah ouais, c'était toi. T'sais, on voit pas les noms des personnes en multijoueur. Ouais. J'aurais aimé ça voir au-dessus des joueurs, comme dans les autres jeux multijoueurs, là, que tu vois le nom, l'ID, puis j'ai regardé les options, puis il n'y a pas moyen. C'est une affaire qui semble logique, puis qu'on oublie. Là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est un détail, c'est vraiment désagréable. Puis quand tu joues en coop, parce que moi, j'ai fait le premier niveau là, en solo, on veut le faire tout en coop. Tu vois pas non plus le nom de la personne. Fait que tu sais, t'es 4 joueurs, puis je sais pas qui est mon ami. Tu sais, il faut tout le temps j'appuie comme sur le radar pour le voir, mais c'est fatigant. Tu sais, j'aimerais ça juste le voir tout le temps. Là. Il y a juste à dire à ton chum qu'il prenne la face, c'est plus facile à savoir c'est qui. Mmh. Ah! Ok, je l'appelle. Bye, Joe. Je raccroche, puis je l'appelle. Mais comme il est misogyne, il le fera pas. Là. Ouais, non, c'est ça. Hey, Joe, dans le fond, il a pas sa famille, il est misogyne. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Une autre affaire cool, si vous achetez la version numérique, vous avez le droit à la version Windows aussi. Donc, ouais. Qui est un petit plus. Je ne l'ai pas essayé sur Windows parce que mon disque dur d'ordinateur est plein, mais je trouve ça intéressant d'avoir les copies sur les deux. Ah, puis le bundle précommande, le jeu précommande, je l'avais précommandé au E3, ce jeu-là, donc il coûtait comme 50$ au lieu de coûter 80$. Là. Mais il venait avec Gears 1, 2, 3, 4, puis Judgment. 1, 2, 3, puis Judgment, comme gratuit. Ouais, c'est cool. Fait que ça, c'était ça tout. Vraiment bien. Puis, mais ouais, c'est juste que... Ils ont fait la même chose avec Gears of War. Si t'achetais Gears of War Remastered, là, la version pour Xbox One, ils te donnaient 1, 2, 3 puis Judgment aussi. Fait que ouais, le monde qui ont acheté les deux ont deux fois 1, 2, 3 puis Judgment. Ouais, c'est ça. Mais mon ami, c'est ça. Fait que lui, ça l'a pas, pas épaté plus qu'il faut. Mais moi, je les avais pas. Tu sais, je l'avais pas Ultimate. Fait que je suis comme, ah, ben, j'ai les autres. OK, je jouerai jamais, mais j'ai les eu. Joe, dis-moi pas que t'as payé 40$ de plus pour pouvoir y jouer 4 jours d'avance, là. Non. OK, OK, c'est bien, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Sérieux? On pouvait faire ça? OK. Oui, ben... c'est vrai qu'il voulait pas. Non, mais j'aurais pas fait. Non, j'aurais pas fait ça. Jamais. Oh, oui, un gars qui achète un PlayStation VR, capable d'acheter n'importe quoi. Je sais pas. Non, pas. Il y a des limites quand même. Non, mais tu pouvais faire ça. Tu pouvais acheter, dans le fond, je pense que c'est la version Deluxe, ou en tout cas Playerly. Fait que ça le débloquait. Ça, 3 ou 4 jours d'avance, puis que tu pouvais y jouer, mais il fallait que tu payes, au lieu de 80, il fallait que tu payes 120. Ah oh, ouais, sa nouvelle mode, là, c'est n'importe quoi. Là. Oh oui. Y'a-tu quelque chose d'autre avec ça? Non, juste du temps. Là. Il y a eu ça pour Forza aussi. Voyons là. Donc. Okay. Oh oui. C'est la nouvelle mode. C'est un nouveau moyen de faire ce cash. Puis, sérieusement, ils ont dû en faire parce que quand la version early a été débloquée, j'étais allé sur Twitch puis il y avait vraiment beaucoup de monde qui jouait à ça là, en early access. Là. Mais j'étais OK. Mais tu sais, je comprends pour les gens qui gagnent leur vie avec Twitch ou des vidéos YouTube que tu le veux d'avance. Mais pour le commun des mortels, ça te donne quoi? Hey. Versus l'argent que tu dépenses. Non, c'est ça. Dire à tes chums que tu as joué avant eux autres? Il y a du monde qui aime ça, pouvoir juste dire qu'ils ont joué avant les autres. Mais bon, c'est ce que tu veux. C'est ça. Mais c'est ça, en tout cas. Je voulais juste faire une petite pointe par rapport à ça. T'as une espèce de tendance que j'aime vraiment pas. Tu sais, moi, j'aime mieux un truc que tu peux jouer d'avance, mais admettons, si t'es membre de EA Access. Tu sais, t'as comme plein d'autres affaires. Tu as des 10% de. Je suis pas membre, là, mais tu as des 10% de si tu achètes des jeux en ligne de EA, tu as des jeux gratuits de EA, puis en même temps, tu as un genre de early access sur certains jeux quelque chose. Tu dis OK. Mais t'as d'autres choses, là, tu sais. Là, c'est pas le cas, là. C'était juste pouvoir jouer. En avant. Anyway. Sinon, on a fait une petite claque en arrière de la tête aussi. La pub française à TV là, pour Gears of War, excusez-moi. Là. Papa! Non, regarde, dans le jeu, il dit même pas papa, il dit non ou quelque chose de même. Mais regarde, là. C'est un gars qui a enregistré ça dans son sous-sol après avoir bu 3-4 bières, là, puis même pas avec un système de qualité. Là, ça a l'air vraiment boboche. Là. C'est comme, je la comprends pas. Là. Il aurait dû se retenir un peu. Puis au pire, tu mets du vidéo où il n'y a pas de voix. Du monde qui crie, des cris de guerre, peu importe. Papa, excuse-moi, ça passe pas. Ben, ça avait d'ailleurs... Non, j'avoue, là. Mais ça avait d'ailleurs fonctionné. Je pense que c'était pour Gears of War 3, que c'était Mad World. C'était-tu le 3? En tout cas, c'est le premier Gears of War. C'est le premier? C'est le premier. Ouais. Ça avait fonctionné. Il n'y avait pas de voix toute, mais la chanson, c'était... Je sais pas. C'était une campagne de pub qui était efficace, là. Fait que tant qu'à faire... Mais c'est quoi? C'est traduit en québécois? Oui. C'est une voix connue. Plus, c'est une voix connue qu'on entend souvent dans toutes sortes des pubs ou des affaires comme ça. Là. Puis, tu sais, il y a un nouveau conflit et mon fils va être pris dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Puis l'autre qui voit Papa! Sacrifice! Ben dans le fond, la personne venait de réécouter l'annonce de World Series Baseball sur Sega où est-ce que la personne faisait Hey Ricky! Puis qui recevait la balle, puis elle a fait comme Hey, c'est cool ça, crier comme ça! Et voilà! Ouais. Ça, c'était pas fort. Fait que là, vous allez enlever des points sur votre note grâce à ça, là? Non, pas du tout, là, mais ça reste, regarde, tu veux faire une pub, fais quelque chose qui a de l'allure, là. Non, mais dans le fond, là, écoute, OK, le comédien, là, il s'ennuie de son père, il faut le comprendre, là, OK? C'est un cri du cœur, là, qu'il a lâché. Ouais, ça doit être ça. Ouais. En même temps, c'est peut-être le seul rôle qu'il a eu dans les 6 derniers mois. Il était vraiment content, puis il était à l'intense sur le papa, là. Il y a eu deux mots à dire, puis... pour plus que nous autres dans une année. Mais c'est ça. Oui, non, c'est ça. Mais non, c'est un bon jeu, honnêtement. C'est juste c'est une continuité. Je vais y mettre une bonne note. Là. J'ai mis 8.5, puis je vais rester sur ma note. Mais c'est un bon jeu. C'est juste faut pas s'attendre. Il y en a qui ont mis 9.5, 10. Wow, les nerfs. Là. C'est un bon jeu, oui, mais c'est une continuité. Là. Fait que, Mais tu sais, leur système de couverture, tu sais, je donnerai pas de notes parce que j'ai vraiment pas joué beaucoup, mais tu sais, ils ont révolutionné un peu avec leur système de couverture. C'était un des premiers jeux à avoir un bon système de couverture qui fonctionne bien. Ouais, mais ils l'ont jamais aussi, amélioré. Ouais, c'est ça, ils l'ont jamais amélioré. Fait que tu sais, les petits défauts, là, ça fait 10 ans qu'ils traînent. Tiens, comme tu disais, Luc, tu te caches, puis après ça, tu as de la misère à sortir. Puis quand tu sors, des fois, tu as de la misère à repérer ton bonhomme. T'sais, pour tuer un autre, là, tu fais t'es à gauche, à droite, tu sais plus trop t'es où. Tu fais OK, là, il paraît vieillot leur système. Là. Alors que là, 10 ans, c'était écœurant, mais là, ils l'ont jamais. Ils l'ont pas bonifié, ils l'ont pas amélioré. Là, fait que ça vaut pas un 10. Là, parce que je ouais, des fois, le système de caméra aussi, quand un ennemi t'attaque de proche, là, des fois, voir où ce qui est rendu, c'est une affaire compliquée. mais pour le reste, comme Dan dit, c'est un bon jeu. Moi, je vais avec la même note que Dan. J'avais ça dans la tête aussi en partant à 8.5. Puis je me suis dit, ça vaut-tu plus? Mais ça aurait valu plus si on aurait travaillé un peu sur améliorer le système de couverture puis améliorer un peu les commandes en général. Puis si on avait été avec un petit peu plus de nouveau, tu sais. Au lieu de réchauffer du Locust, là, on aurait pu y aller avec quelque chose de, tu sais, je sais pas, moi, un nouvel ennemi qui attaque la Terre parce que là, il s'aperçoit que les locustes sont partis, puis là, ils ont le champ libre parce que l'humanité est quand même un peu affaiblie, puis tu sais, quelque chose comme ça, là. Tandis qu'en cours des locustes, c'est comme, ah, ils sont pas morts, finalement. Ils ont comme coconté, tu sais, puis ils ont été dans un cocon en cristal, puis là, ils reviennent. Puis 25 ans plus tard, on sait pas pourquoi, ils ont fait un gros dodo. Ils avaient besoin d'un gros somme parce qu'ils étaient grincheux. Je sais pas. T'sais, on aurait pu y aller avec des nouveaux ennemis, ça aurait été le fun. Mais ça reste un excellent jeu. Si vous aimez Gears of War, vous allez aimer Gears of War 4. C'est les graphismes sont beaux, puis les cinématiques sont belles, puis c'est bien intégré avec le jeu, puis il ne crie pas papa dans le jeu, fait que c'était déjà un bon... déjà un gros plus. T'sais. Mais, tu sais, personnellement, je trouve que là, Microsoft a lancé 3 bons jeux, très bons jeux, en très peu de temps, fait que, tu sais, pour n'importe qui a une Xbox One. Et oui, j'inclus Record là-dedans, là, parce que... Ah oui, Record, c'est un excellent jeu. Je comprends pas. On se l'est dit quand on a fait la critique, on comprend absolument pas pourquoi que le monde a donné des critiques si basses que ça. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ah, je sais bien, mais tu sais, je trouve juste que c'est ça, c'est Microsoft a lancé Forza Horizon 3, Record, puis Gears of War 4 en très peu de temps, fait que tant mieux pour les propriétaires de Xbox One que nous sommes. Oui, c'est juste que ça coûte cher. Ah parce oui. Que, ouais, c'est ça. Mais quoi, Record est pas cher. Record est quoi, 49$, je pense, 50$. Ouais. Les ouais, autres sont 80$, par exemple, si vous prenez pas les versions Deluxe. Puis ça vous sert à rien d'acheter la version Ultimate de Gears of War 4, il est sorti. Fait que vous jouerez pas tout 4 jours avant tout le monde. Non, ça c'est sûr. Ouais, j'avoue, tu sais, tu fais, yé, je l'ai, j'ai payé 40$. OK. Hey Roger, j'ai acheté le jeu, m'a joué 4 jours avant tout le monde. Ça fait 2 semaines, j'y joue. Moi, j'avoue, j'ai appelé mon père, j'ai crié Papa, j'ai le jeu. Ah, ben, c'est ça. Ouais. Ça peut faire ton bonheur. C'est ça. Ouais, ben, mon père a comme raccroché parce qu'il comprenait pas. Il a dit Fiston! Il a raccroché. Il a raccroché, ouais. Il est allé voir son auteur, puis il l'a déshérité. On comprend pas pourquoi. Ben, quand même. On comprend un peu. Intense. Donc, voilà. Ben, ça fait le tour pour cette semaine pour le show. Je veux savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le web. Luc, vas-y donc. Sur Twitter, Ascalazormo, il y a aussi Ça Roule Radio, compte Twitter, Ça Roule Radio, compte Facebook, Ça Roule Radio aussi, puis ben ça, vous pouvez me lire aussi sur Kijiji.ofr, kijijiblog.ca, dans la section véhicule, c'est pas mal ça. Jonathan. Sur Facebook, j'aime ton étonnement à toi. Direct que ça crée un jab dans l'estomac. Jonathan, il comprend pas qu'à un moment donné, ça va être son tour. À toi, il fait comme, hein, quoi? Je suis dans la liste. On m'accorde de l'importance. Je parlais avec lui à la cafétéria de l'hôpital cette semaine, puis il est tellement heureux de faire partie de la gang. Je pense que ça l'étonne encore qu'on nomme son nom sur le show. Lui, il pense qu'il écoute en podcast, puis maintenant, il parle. Il commente en direct. C'est ça. Là. C'est ça, je pense que c'est de la podcast réalité. On me parle. Il fait une pause, il parle tout seul, puis il repart le show, puis il espère juste qu'on dise « oui, t'as raison », puis ça continue. Mais oui, c'est ça. On peut me trouver sur Facebook, Jonathan Turcot, sinon Astro underscore Boy 3000 sur Twitter. Mais Daniel, comme personne m'ajoute, ça donne plus rien à le dire. Ça viendra, là. Yay! C'est parce qu'ils te punissent que tu aies donné le mauvais nom Twitter pendant genre 4 mois. 10 shows, ouais. Chose à main. Ça t'apprendra. Daniel, de ton bord. Yes, à Draco ADG sur Twitter. Sinon, vous pouvez me lire sur affairelegars.com dans la section techno jeux vidéo. D'ailleurs, allez voir mon dernier article sur la Nintendo Switch. Je résume finalement ce qui a été dit et surtout non dit. Parce qu'il y a beaucoup de mystères encore sur cette console à venir en mars. Mais c'est ça. Allez lire ça. Je pense que c'est bon. Oui, je l'ai lu, c'est bon. Ah, tu vois. Hein? J'ai un fan ici. Ouais. Ça qui est en balle qui dit. Ah oui, cool. tu vas me donner quoi, 50 cents? À peu près. Ben, ce qui reste de son budget après avoir acheté une PlayStation VR, là. C'est pour ça que je disais 50 cents. Là. Mais 50 cents, dans le fond, j'ai une enveloppe vide. Il faut voir que tu décolles le thème. C'est ça, le 50 cents. Oh, nice. Super. Longtemps, tu n'as pas envoyé une lettre. C'est rendu une pièce. Ça fait un bout. Mais bon. Sérieux? Oui. OK, vous pouvez me retrouver sur les internets. Attends. JB Calvin. Mais oui, mais clanché. J'ai d'être mon compte Twitch. Ah, t'as un compte Twitch. Bon, cherchez oui. Daniel. Non, Draco underscore QC. Si bon. Et toi, JB? Puis à quoi tu joues sur Twitch? Tease-moi, là, si je veux te regarder, là, qu'est-ce que je risque d'avoir le goût de voir? Là? Moi? Ouais. De moi? Daniel qui suit dans son casque de PlayStation VR. Puis qui l'emballe, puis qui retourne ça à Sony après. Ouais. Ça pourrait être ça, effectivement. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu le mot banni sur mon compte Twitch, je sais pas pourquoi. Ah, bon. Des gens qui ont compris. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @gangj_b, facebook.com, cherchez JB Gagné et mentionnez-moi que c'est parce que vous me suivez sur mes projets et ça va me faire plaisir de vous ajouter. Sinon, pour ce qui est de la réalité augmentée, nous sommes sur Twitter, @realitéhog, facebook.com/realitéhog. Nous avons notre site internet, realitéhog.com, un courriel à lequel on vous invite à nous envoyer vos commentaires, suggestions, sources d'amour et d'appréciation. Et si vous avez le goût de nous donner votre numéro de carte de crédit, on le prendrait. Tu sais, on n'est ben oui. pas plus fin que le pape. Donc, vous pouvez nous envoyer ça à podcast@realitéhog.com. Et c'est pas mal ça pour ce qui est de la réalité augmentée. Sinon, vous pouvez m'entendre aussi à la barre d'un autre podcast qui s'appelait Hors-jeu, mais qui change de nom pour s'appeler La POC parce que. Il y a un show RDS qui s'appelle Hors-jeu, puis on s'est dit, tant qu'à se faire poursuivre éventuellement, on va changer de nom, là. Fait que c'est ça. Mais ça s'appelle plus Hors-jeu RDS, c'est Hors-jeu 2.0, non? Ouais, mais ça reste pas loin. C'est pas le même nom. Ouais, ça reste pas loin, mais tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ah, c'est correct, la POC. Si t'appelles, tu cries papa, puis tout passe. C'est pas oui, exact. HB, oui. J'ai une suggestion de sujet pour toi, pour la POC. Oui, on enregistre demain. Oui. Attends un peu. J'aimerais ça que tu fasses un comparatif entre Shea Weber et Piquet Souban. Ah, ouais, ça manque, hein. Ouais, un comparatif. Ça serait à peu près le 101e que je verrais. Que mais ça serait peut-être le meilleur des 101. Ben, clairement. Probablement. Mais il y a un site internet en plus qui a chaque match. Oui, il y a un site web, le Subban Tracker. Là. Ah, c'est ouais, tellement drôle. À chaque là. Match, ils comparent. Là, tu fais, Tain, ils vont comparer combien de temps là? 3 ans, 4 ans, 5 ans. On en a pour 10 ans à peu près. Donc, voilà pour mon autre projet de podcast. Sinon, je suis étudiant à l'Université du Québec en Outaouais. Si vous me croisez, tant mieux. Là. Personne ne va. À un moment donné, là. Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour de l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. Et je vous remercie les boys d'avoir été de la partie. Merci. Merci à toi. Merci. Et merci à vous les auditeurs d'avoir été du rendez-vous. Et on se dit à la prochaine fois dans un autre élément. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Mm-hmm.